nur de silo hin er bezonnek. C'est l'heure de retrouver hin er bezonnek. Vous êtes bien sur RKB avec Anne et Henri pour Hentar Brezonek. Comme d'habitude, on commence par Gariouar Vué, l'émission 428. Quel mot on voit aujourd'hui, Henri ? Alors aujourd'hui, j'ai pensé revenir sur un mot qu'on avait déjà traité rapidement quand on avait parlé du patrimoine. Donc ça fait déjà un moment, ça devait être avec Josette. Et donc c'est le mot castel. Castel, donc château. En français, château. Facile à deviner, celui-là. Oui, facile, oui. Oui, alors, ce qui est assez amusant, c'est que, en fait, ça vient du latin castellum, et que le mot breton est beaucoup plus près du mot latin que le mot français, alors que c'est le français qui dérive du latin. Alors, d'ailleurs, c'est très proche, de, par exemple, de l'italien castello, hein, qui pratiquement ressemble beaucoup au latin. Et donc, en fait, ça s'explique par l'évolution linguistique, c'est-à-dire qu'en français, le « cas dur » est devenu un « che », comme c'est généralement le cas, hein, enfin, en tout cas, dans les mots qui n'ont pas été reconstitués à la Renaissance. Donc, le « cas dur » est devenu « che », et le « s » a disparu, il est remplacé par l'accent circonflexe, le chapeau de gendarme, comme disent les enfants. Le chapeau chinois. Le chapeau chinois. Hein, sur le A. Voilà. Et par contre, en français, on va trouver la forme châtel. Hein, châtel, hein, on trouve ça en gallo aussi. Hein, mm-hmm. Châtelaudrin, par exemple, oui. Hein, qu'on appelle châté. Châté en abrégé, quoi. Voilà. Et par exemple, on va trouver le musée du vieux châtel à Laval. Donc, forme qui a donné aussi le châtelet. Alors en breton c'est castel, et comme c'est un mot masculin avec l'article, ça donne un hastel. Alors ça se trouve souvent dans la toponymie, on va trouver hein, parg hastel par exemple. Mm-hmm. Par exemple à Pemrit ici, il y a un parg hastel qui correspond à l'ancienne mode féodale. D'ailleurs, dans les modes féodales, c'est sur le cadastre, c'est souvent parg hastel, hein, mm-hmm. ou un hastel tout court. Hein. Voilà, les modes féodales qui ont porté des châteaux au Moyen Âge. Ou bien, on trouve ça aussi quand il y a eu des ruines de châteaux, comme à Bulat, par exemple, hein. Oui. des ruines de châteaux abandonnés ou rasés. Celui de Bulat a été rasé après du Guesclin. Il a été pris par du Guesclin, repris à Davy, hein, qui était un chef anglais, et puis finalement rasé. Enfin, il a été utilisé comme carrière, si bien qu'on trouve des pierres du château un peu partout à Bulat, faisant les fondations des maisons. Voilà. Alors, donc, je le dis, le mot donne un hastel. Et alors, il y a plusieurs pluriels. Il y en a un qui est régulier, castellou, qu'on n'emploie pas beaucoup, et des pluriels irréguliers comme castel et castilli. Voilà, c'est souvent castel. Hein. Voilà, mais en général, c'est assez rare qu'on parle des châteaux au pluriel. On parle en général d'un château, un hastel. Hein. Alors évidemment, ce mot castel a un sens, comment dirais-je, des sens figurés. Hein. Il y a le sens précis. Bon, c'est un hastel, un château, hein, bon, les châteaux de la Loire, tout ça. Et il y a des sens figurés, hein, par exemple, Zavet Peso Hastel, tu as bâti un vrai château, quoi, quand on parle à quelqu'un, hein, une belle maison, hein, une très belle maison. Alors, on trouve souvent castel dans la toponymie, hein, en particulier en breton, on va trouver Castelaudren, Castelneve, hein, Château-Neuf. Castelpaul, hein. Castelpaul, Saint-Paul de Léon. Et Castelpaul, mise au bégane des Basevraux, Ker Léon, hein, Castelpaul. Et beaucoup, tous les noms finalement en château, hein, vont se traduire en castel en breton, quoi. Alors, il y a un autre sens aussi qui est le plateau, le châssis d'une charrette, hein. Hastelcar. Ah oui. Oui. La partie centrale de la charrette qui va porter l'essieu et puis les brancards, Ça s'appelle un hastel en breton. Et j'ai souvent entendu ça quand j'étais gamin. On disait castel est aussi pour la charrette pour transporter les gerbes de blé. Mm-hmm. Et alors il y a un hastel car camp ou un hastel car bros. C'est le grand chariot ou la grande ours, hein, qui ressemble à une charrette, hein, avec un attelage de 3 chevaux. Voilà. Et alors, il y a un proverbe dont on trouve différentes formes. Hein. « Dimesio e bel, zo turiu a castel », c'est-à-dire les mariages au loin sont tous des forteresses ou des châteaux. C'est-à-dire quand on parle un prétendant qui vient de loin, on raconte toujours qu'il a... des propriétés, enfin, c'est pas comme quelqu'un d'à côté, quoi. C'est un peu l'hostilité à des prétendants qui viennent de loin, quoi. Et ça, c'est un proverbe, il y a différentes formes, hein. Il y a différentes variantes qu'on trouve déjà dans Grégoire de Rostronin, dont on a déjà parlé, le dictionnaire de Grégoire de Rostronin, en 1732, et qui a été repris après par beaucoup de dictionnaires, hein, en français et breton. Voilà. L'idée, c'est qu'il vaut mieux se marier avec quelqu'un du pays qu'avec quelqu'un qui vient de loin, parce qu'on sait jamais ce que ça cache. Voilà. Dimes you are bel, zo tour you are castel. Voilà. Et pour terminer, une expression, hein, zevel castel war loir, c'est-à-dire bâtir des châteaux sur la lune. Alors, en français, on dit en Espagne, hein. En breton, c'est encore plus loin, et plus difficile, c'est des châteaux sur la lune. Zevel castel war a loir. Bâtir un château sur la lune. Voilà, ben, on finira par ça. Très bien, on passe à la deuxième partie d'émission, Brezhoneg temps m'attend. Deuxième partie d'émission, Brezhoneg temps m'attend. Aujourd'hui, on va un peu changer. Henri va vous parler du journal IA. Oui, voilà. On va pas aller à Zantol aujourd'hui. Il fait très froid à Zantol aujourd'hui. La route est verglacée. La route est verglacée. Et alors, je voulais faire un peu de réclame, comme on disait quand j'étais jeune. Quand j'étais gamin, on disait la réclame. Maintenant, c'est la publicité. Je voulais faire un peu de réclame en tant que brudéreuse, hein, pour le journal IA. Alors,

Bon, autrement, bon, le courrier des lecteurs, hein, les offres d'emploi. Et puis, la dernière page, c'est toujours la présentation d'un bretonnant. Je dis toujours, c'est pas tout à fait vrai, là. Cette fois-ci, c'est pas ça, mais normalement, la dernière page, c'est toujours la présentation d'un bretonnant auquel on pose différentes questions, certaines sur sa vie, d'autres questions saugrenues, avec qui voulez-vous être enfermé dans un ascenseur, des choses comme ça. Voilà. Donc, bon, ça fait beaucoup de lectures en breton, hein. Beaucoup de lectures pour pas cher. Donc, alors, je disais que c'était à Laz, hein, pour les gens que ça intéresserait. Je vais donner le numéro de téléphone, hein. Donc, c'est 02 98 26 87 12. 02 98 26 87 12. Alors, c'est Kate Vimbeo, hein. Kate Vimbe, oui, K-E-I-T, plus loin V-I-M-P et B-E-V. Et c'est 29 520 LAZ, L-A-Z. Voilà, donc j'encourage les gens à s'abonner, parce que là, ils vont trouver du bouet un peu en breton. Très bien. Merci Henri. On passe à la troisième partie d'émission, Petrazone Viervro. Troisième partie d'émission, Petra Zoneve Avro Eri. Case Drau Zoneve Avro, Bouervej Diouzan. Krogum de Dianton Velkustum, Gandela Bourdoua, Ragevu et Wararmez. Au nom de Zen Trivad ou Engun, le Zo Ebreis, et Nitu, Péguinis du, Blas ou Velard de Nitu, Lerel, Velard Guinis du. Agebue Meurs de Douvildic, Zo Pesvelard de NIGP, Zézo Indication Géographique. Vide Nitu, Breis, Ag Galag Velard Zé, blé noir traditionnel de Bretagne. Tradition Bretagne. Ag Wardro Permilton Vegret, hein, de Zenitus, Bepla, Breis. Bon, digas ve bleu de Zlerel, hein, de Zbrochina, de Z Manchourie et de Zlerel, mais même sera Vegret, Permilton, Breis. Ag Matrezen ve febelon trava de, quand mûr y tu, puis vidor pis vegren en mort. Gantan, bleut à crampouz à bobsort trop. Bafine misme, wabed, bazambrie, ge salon steralive el bepla. Agaz eus obed, calzedud, hein, calzedud à calzelonde, hein, evel juste. Evel kiz a custum. A Bremen ve komz roaz de ze salon spas, hein, vo ba mis gwengolo ou ba raun, hein, ba mis gwengolo, met de se vo c'hat komz eut ben a c'hana. Dan Bremen un tamm war dachen ur politikerez. Deux heures vota digo, vite bro, repas, ne meus que rond de l'art cal se dra. Et vel juste, vel tout d'un démocrate, d'un bête d'hypit, d'un. Gouel de, or vos un du, au les dents la divante, le paysement, le tient temps. Ouar evro hal, drevras. Mais dis seulement qu'on. Que, comme se fait cal se remarrément de ze, hat froma dur un tiriadou, réforme territoriale. Hag bon, comme je zo bet, deus bep sort trao, la oa vi je bet stag et breiz gant bro e liger atlant, bro e liger, hein, pez ve la pey loar in galak, la zo vi je bet stag et bro nan un et deus poitou charan, bep sort trao, bon benefin zo bet lar ne vo ke chanche de breiz, vo gant chomo gant velman gant per département, hag ne vaut que staget bro, hat staget bro naunet, deux breis. Hag evel juste calze dudes au dipite ganzi, pu dur, bonne vretonne de evel juste, calze ze vretonne bop de jon, je vais febi d'un dravad, hat zevel breis, veloa rog, pétain. Pu dur babla au nan a de hugen ou a bedi staget. Mil dohan au nan a de hugen. Bon, gwelet vo pesamo de vo kond l'arzo, mames, ma trezen vo hat gwelet en trase, pu dur halfe bro naunet, votan vi de vout rastag de vreiz. O anke pesamo de vo kond, zura vo kalz heureuse, ba, rog vo gred en trou. Bon, dan mon tam nahen war dachen zevenadur, bon, kalz de drog zo ur mar eman vi de zevenadur. Neus ket gwal bel zo, pa de zun diouz an miz me, oa red adek, evit an brez anek. Hag lans en eus deus montourlez, dont bet a gronel gant ober 1050 km. Hag bon kalz obligea dur zo bet, tram ne ma dien trau. Mi meus bet plija dur bon peut gwell de red adek o tram en ba bourpurut, dont deus an igoud en a hont de dremalgat. A oa l'air ba rostren, hag bon pe oa eru ba bah, grand, vel, juste, ou, zon aérien, ou, rotas, hein, pis tu vois, gwell, un drugen, gaul, hag, calz obligade, ou, mesken, dud, hag, bon, zizo, un dravad, vid, en brezon, hein, dis qui, nom que martri, ouas, hag, zo moyen d'or, trop, vid, en brezon, hein. Bon, qu'on aurait, comme zoran, jugement, deux, un, gwell, un drugen, gaul, blanc me ou calz dud hein bah bagouel un drugen gaul hag bon blanc me zo rent de inor zo inor de yassan gegan puis dur yassan gegan zo rend en mal grand tout de son derrière hein hag en calz dud hendel hag neus degla perugen blanc me hag degla trugen zo mon son dans le clarinette hein a bop de zon la matrie hein bon zone neus vide roncourt de zul de beurre et gant tristan gloagin hag bon du loa gaze bra ou tri gwell yassint au son droit tien kouls vel gogel hag bon c'est tu peso roas de l'art adouarzi yassint gregan zone den hag blichtan truskas de rayon pezoara un tonio nick donan on den de vir ou de vitan pezoir a setu bon l'arme salut tom m'avait fait bé de chilo puis tom un du de alfe l'artan zo bécombe de te sang y a saint oua de ze gant ne bas plonne hein, décaperug un lasso hag ivre d'un zone hein, d'une jonge roi bavreau de ce félix a job wegan hein zon er yon ampard war glarinet, war an accordéon, zon war bep sort trou. Peon komz de zevena dur ar vro, juzmad, zo kalz bladen ou ave ve imbandet bromo, vel bopet, hein, gus koude oa ba brohal bez ne betet kalz bladen ou, med ur bladen ou ve imbandet, med amman ba breiz zo kalz. Un DL ou à Balarion ou à Gredor Fesnons, vide plat d'un long de fal, à plat d'un strolade neve, à l'Eis, à zo bécal ze dud, hein, à d'un gal de, prennent, plat d'un aux, à zo, clèves, hein, war RKB veklet ur pladen ouzh. Hendel me sklev de yaswa ik siberil, neus gret an an, hang ne dek, pe an neus ni oa gret no ur ok, zir an no hag an an zir a dek. Hag un triant me zang ne zo labour ador ur bladen el, gwell ar zo, zo kaz dud hor tro e bep sort. Peve kom se deus ur brezon, hag bon, ve kom se deus tro ou braz vel... Vel ar edad, me tro el zo, hein, da skouer bar o stren zo be hanve da ur plar de skuzul ur barous, evit ober war dro ur brezhonek, hein, e Cécile Lefren, zo be de dilen de vid ur votade goudiouz an aze, hag zo karg de ze brezhonek bar o stren, hag bon ze zo an dravad evel just o ze blant mat vid ur brezhonek. Bon, setu jonge alran me mgen on tamp tro war pesonne ve ar vro. A setu la an dar tien ar vegel chila o erien, RKB. Kena wegel eri.